mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse. Côté passager, bouche et grosse fesse. J'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'fais le mec. J'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse. Côté passager, bouche et grosse fesse. J'me la pète, j'me la pète. Je fais le mec, fais le mec, tu joues les grands gars, une poêle dans les pecs. Je rentre dans le game, tout le monde me guette. Prenez-moi pour un chip, je vous la mets. Ok, ok, je vous donne de l'avant, je suis pressé. Parlez, parlez, la concu, moi je vais la matrixer. J'ai ma cristalline, j'ai grave de l'inspi. Je rentre dans la cabine, j'ai grave de l'aspect. Voilà la vue où je joue, on va tous prendre de l'âge. Sur l'instant, je fais des rouges et je suis satisfait. Je fais grave le mec, je sais pas si ça se fait, mais bon, balai. J'assume tous les faits, des niarales et des taras, c'est tout ce qu'ils font. Depuis guette le flow, je reconnais les faux. J'ai fait 200k donc à bas, non. Même si je t'ai qu'il la regarde là-bas, non. Je me barrais à Copacabana, non. Faire bouger leur coach, ça tient pas, non. Ça tient pas, non, ça tient pas. Faire bouger leur cochi, ça tient pas, nal. Faire bouger leur cochi, ça tient pas, nal. J'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse. Côté passager, bouche et grosse fesse. J'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'fais le mec. J'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse. Côté passager, bouche et grosse fesse. J'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'fais le mec. Yo, c'est la merde de Jekar juste pour un demi. Si ça peut trouver ton corps, ça y est, tu paniques, tu jures même sur le Coran. À skip ta décoro, j'étais pas au courant. Ouais. La bourbier bizarre, tu pars chinois couramment. IDS au Discord, prépare une tige gourmande. IDS au Discord, prépare une tige gourmande. Elle a vu 200k et elle guette le flow. Je suis très dur à suivre, mais sur Insta, follow. On veut tous des thunes, avoir la vie de Pablo. Mais j'ai laissé jaune et Mars, Vesky, il est bleu. Sur son, je fais le mec. C'est KLN au mic. T'as kiffé la deck, j'ai la petite peur de toc, je suis braillé, je suis frais, je peux aller signer des dix. J'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse. Côté passager, bouche et grosse fesse. J'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'me la pète, j'fais le mec. J'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec, j'fais le mec. Tu crois que j'suis une bitch sur tes gros pecs? J'rentre dans le pleur à ces négros chèques. Au volant de la peine, j'suis en grosse caisse.